Cette histoire vous est offerte par Benchy, la première plateforme de vidéos à la demande pour les enfants. Bonjour, bonsoir, c'est Mathieu. Chaque samedi, jusqu'à fin avril, je vous propose d'écouter ou de réécouter Les Petits Portraits, une série que j'avais publiée il y a quelques mois et qui n'était plus disponible. À chaque fois, vous découvrirez 3 à 4 personnes qui font des choses étonnantes. Bonne écoute. Les Petits Portraits, les Petits Portraits. Il faut que je vous parle de Wim, le collectionneur de bouteilles jetées à la mer. Cette histoire a lieu aux Pays-Bas, à Zandvoort, une petite ville au bord de la mer du Nord. En 1970, Wim Kruijswijk y pose ses valises. Son travail lui laisse plein de temps libre, alors pour s'occuper, il se balade sur la plage. Après chaque tempête, il remarque que la mer rejette toutes sortes de choses. Au début, il ramasse les plus intéressantes et les revend. Mais en 1983, tout change. Au hasard de ses balades, Wim découvre 3 bouteilles contenant des lettres. Celles d'une Allemande de 11 ans, d'un marin hollandais et d'un Anglais de 8 ans. Comme chaque lettre est accompagnée d'une adresse, Wim leur écrit. À chaque fois, il reçoit une réponse, une passion est née. En 35 ans, Wim a récupéré 1200 messages. Il a répondu à 890 d'entre eux. Grâce à ses bouteilles, il a pu échanger avec 360 personnes. Autant de rencontres, de découvertes et de souvenirs. Mais depuis 2010, il ne trouve plus que 2 ou 3 bouteilles par an. D'après Wim, les gens sont devenus trop pressés. Ils prennent moins de plaisir à écrire et surtout à attendre une réponse qui peut arriver après des jours, des semaines, voire des mois. Ça donne envie de lui écrire, non ? Il faut que je vous parle d'Irmela, l'effaceuse de haine. Cette histoire se passe en Allemagne, à Berlin. C'est là qu'habite Irmela Mensah-Schramm. En 1986, elle est révoltée en apercevant en bas de chez elle un autocollant demandant la libération de Rudolf Hess, un nazi jugé coupable de crimes contre l'humanité. Lorsqu'elle l'efface, elle se sent plus légère, convaincue d'avoir bien fait. Depuis, chaque jour, elle chasse les messages de haine. Pas seulement à Berlin, mais dans d'autres villes d'Allemagne et d'Europe. Armée d'une bombe de peinture, d'un grattoir et de dissolvants, elle sillonne les rues. Les autocollants sont décollés, les tags détournés, les messages de haine deviennent des messages positifs, les symboles racistes des cœurs ou des smileys. À chaque intervention, elle prend le message en photo ou archive l'autocollant. Sa collection en compte près de 80 000, elle lui sert à sensibiliser le plus de gens possible. À ce jour, elle a mené plus de 450 expositions sur le thème de la lutte contre la haine et elle intervient régulièrement dans les écoles pour éduquer les plus jeunes. Elle a reçu plusieurs prix pour son action, mais Irmela n'est pas prête de s'arrêter. Ça donne envie de l'aider, non ? Il faut que je vous parle de Tim, l'astronome aveugle. Cette histoire se passe au Canada, à Keenan, en Nouvelle-Écosse, un minuscule village perdu au milieu de centaines de lacs. C'est là que vit Timothy Doucette, un curieux astronome amateur. Tim est né avec une cataracte, une maladie des yeux qui le rend presque aveugle. Comme sa pupille est tout le temps dilatée, elle laisse passer plus de lumière. Le jour, tout est trop lumineux pour Tim, qui doit tout le temps porter des lunettes spéciales. Mais la nuit, son handicap se transforme en super pouvoir. Il peut voir les étoiles mieux que personne. Un soir, en sortant d'une opération des yeux, il voit des milliers de points blancs dans le ciel. Tim croit que l'opération a échoué, mais c'est la voie lactée dont il distingue chaque détail. Les étoiles sont comme des diamants sur une tapisserie de velours. Ses parents lui offrent son premier télescope. Voir les étoiles de si près lui donne envie de les prendre en photo. Mais l'équipement dont il a besoin n'est plus fabriqué. Il met alors sa passion de côté pendant plus de 15 ans. En 2002, sa femme lui achète un télescope. Revoir les étoiles lui donne envie d'aller plus loin. Il construit son propre observatoire avec ses économies. Depuis, Tim apprend aux gens du monde entier à regarder le ciel. Ça donne envie de lui rendre visite, non ? Les petits portraits. Les petits portraits. Les petits portraits. Les petits portraits. Les petits portraits.